18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour et bienvenue sur notre émission Convergence sur Croc Radio 89.5. Aujourd'hui, on présente un de nos membres, Arnaud, pour un set et une petite interview avec David. Salut les gars. Salut, salut. Salut tout le monde. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté du miroir. Exactement. Avec Yoz à la régie, David à côté de moi. Et puis, effectivement, c'était pertinent qu'on puisse faire la présentation un peu de tous les membres de l'équipe. Alors, ça tombe sur moi. Yes. Et puis, du coup, moi, je t'ai préparé un petit texte pour t'introduire. Je précise qu'il m'a à peine raconté les questions avant. Je suis tout ouïe et on est parti, en tout cas. Parfait. Donc, comme vous l'avez compris, il est l'une des voix de votre émission en convergence. Aujourd'hui, on lui consacre du temps et on le retrouve de l'autre côté pour nous faire découvrir tout son univers. Donc, musicien de formation, Arnaud est derrière les platines depuis plus de 15 ans. C'est originaire de Bretagne et passionné par la musique électroacoustique, audiophile. Vous ne savez même pas à quel point il l'est. Il garde de ses années rennaises l'envie sur chaque soirée de faire danser les gens. C'est un DJ accompli et polyvalent. Il est aussi à l'aise en soirée étudiante qu'en club underground. Et il affectionne particulièrement la house matinée de disco funk. Il a rejoint le collectif Whipple Nil depuis 2015. Il apporte du piquant à vos soirées lyonnaises avec le projet qui permet de mettre en avant les labels et les producteurs de musique. Mais aussi et surtout d'apporter un aspect ludique sur l'initiation au mix en vinyle. Pour Arnaud, un bon titre est un titre qui groove et au-delà, transmet les émotions. Je vais rougir. Alors, je tiens quand même aussi à préciser que moi, je suis arrivé sur Lyon il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est aussi grâce à David avec qui on a pu, qui avait déjà mis une structure en place WePlay Vinyl, auquel je me suis greffé avec l'aide de Sylvain notamment, qui n'est pas là aujourd'hui, sans oublier notre cher compère Alex. Voilà, WePlay Vinyl, c'était quatre garçons dans le vent quasiment, et c'est vrai qu'on a pu partir sur le collectif Convergence, ce qui fait d'où ma présence en tout cas à la radio aussi. Parfait, donc merci pour ta petite présentation. Alors, je sais que tu aimes bien mettre en avant l'aspect musique que tu assumes totalement, musique généraliste que musique électro. Comment tu arrives à faire la balance entre les deux pour trouver un juste milieu ? Bah, moi, je viens de Rennes, comme tu l'as dit, et j'ai commencé à passer de la musique électronique, au sens vraiment électro-synthétique du terme, à une époque où à Rennes, il n'y avait que du rock. À part un bar ou deux où on était vraiment sur de la techno, mais il n'y avait pas le côté un peu clubbing. D'accord. Sauf dans un gros club qui existe toujours, qui s'appelle L'Espace, auquel j'ai eu la chance aussi de pouvoir mixer. Ouais, et voilà, les galas, il y a quelques vidéos qui tournent. Quelques galas étudiants, effectivement. Où ils sont tous dansés sur les tables. C'est vrai que c'était chouette. Ouais. L'Espace, c'était le club électro de Rennes. Et malheureusement, il a un peu changé. Mmh. Il est devenu assez généraliste, il faut dire. Mais voilà, c'était il y a un peu plus de 10 ans, aux années 2000. 2003, 2004, 2005. Et ce qui fait que forcément, pour éviter de passer de la techno, puisque d'une part c'est pas mon truc et d'autre part je trouve que c'est pas très très mélodique, voilà, moi je me suis rangé vers la house, electro house aussi, et avec notamment influencé par un label qui s'appelle Serial Records, qui existe toujours aujourd'hui, qui à l'époque, le directeur artistique était Mathieu Boutier. Boutier qui est aussi rennais, que je salue. Il est toujours sur Rennes. Hein. Toujours sur Rennes, que je salue d'ailleurs bien bas, cher Mathieu, puisque j'ai la chance de le connaître personnellement. Et c'est vrai que la musique électro-house, comme on a pu avoir à cette époque, permettait vraiment d'avoir les gens sur le dance floor sans pour autant passer de la techno et sans verser sur le côté généraliste, même si effectivement on n'était pas très loin des playlists Radio FG à l'époque, qui étaient déjà pas mal. Ça permettait surtout de laisser les gens sur le dance floor. C'était vraiment ça l'essentiel. Des playlists de référence qu'on avait quand même. Voilà, c'est ça. Faut pas oublier, faut pas perdre de vue qu'un DJ généraliste, c'est avant tout quelqu'un qui est là pour faire danser. Et l'écueil, c'est justement de trop se faire plaisir à passer des musiques qui n'amusent pas le monde. Donc il en faut un peu pour dire éduquer aussi et avoir une culture musicale un peu plus forte. Ouais. Mais c'est bien aussi, mine de rien, de donner quelques petits rappels, de petits clins d'œil. Je pense notamment, moi j'affectionnais particulièrement les remix House, les Bob Sinclair, le Martin Solveig qu'on pouvait faire, le label Axton avec Axwell, pour ne citer vraiment que les plus gros que j'écoutais, où là on était vraiment sur une qualité, un arrangement déjà très très bon, une qualité sonore avec une recherche dans le style qui fait que vraiment c'était des titres incontournables. Bah, du coup, ça me permet faire la transition sur... De transiger ? Non, ouais, pas transiger. Transiger, non, c'est sans ça. Transition, donc. Exactement. Donc, je vais partir sur l'autre question qui me... Je voulais partir sur tes artistes, en fait, que tu appréciais, ceux qui t'ont bercé, même ceux que tu apprécies actuellement. Ça a changé déjà en 15 ans, forcément. Où moi j'ai commencé avec deux platines de salon et une petite mixette. Voilà, ça a changé quand je mixais à l'espace, le club de Rennes, ou même j'étais sur le campus de Carlan, donc j'ai fait beaucoup de soirées également là-bas, où effectivement il fallait quand même passer du Rihanna, du bon gros délire, du Matmata, ouais. Puisque Matmata c'était l'hymne de la Bretagne, mais mine de rien les gens s'amusaient, et c'est avant tout ça que je retiens. Okay. Et les influences, oui, c'est clair que c'est avant tout le disco, la funk. C'est Ron au premier lieu, bien évidemment, qui réussit le tour de force d'être toujours à la mode 40 ans après, puisque moi je l'ai découvert en fouillant dans les vinyles de mon père, vinyle que j'ai précieusement conservé d'ailleurs et emmené à Lyon. Mais qui ne va pas piquer dans les vinyles de papa? Exactement, hein, tout maman, à fait. Bien sûr. C'est Ron, et donc par, bien sûr, Bob Sinclair, en fait, qui a remis C'est Ron au coup du jour dans les années 2000. Et partant de là, toute la French Touch 2.0, l'équipe du label Serial Records à l'époque, m'a beaucoup influencé. Greg C'est Ron, le fils du père, fils de Marc C'est Ron également. Pour les Français, Arnaud Coste, Norman Doré, qui vraiment représentait la French Touch, et ensuite tous les Suédois, la Swedish Horse Mafia, Eric Prydz, Axwell, que j'ai déjà cité, pour les plus gros. Il y en a plein d'autres, évidemment, comme ça, Joachim Garraud, qui m'a influencé également sur son forum de Joachim Garraud, qui était très très actif à l'époque, où il n'y avait pas encore Facebook. Ouais, il a une belle communauté, hein, les Space Invaders. Space Invaders, voilà, où je fais quelques soirées avec les Allemands d'Abrocon Klein, également, qui étaient très très bons dans l'articulation. Mais voilà, c'était vraiment l'Europe, la Suède, pas du tout les États-Unis, et encore moins l'EDM, qui n'avait pas encore, on va dire, pollué toute la musique électronique actuelle telle qu'on peut la voir dans des festivals que je déteste, comme Tomorrowland, où on est plus sur du show que sur vraiment de la culture électronique. Okay. Avant-dernière question, alors c'est vrai que cette facette-là, on la connaît pas trop. Tu avais une facette de producteur. Petite, tout à fait. Je sais que tu as récemment acheté du matériel pour un sciromètre. Est-ce que tu peux nous parler de ton studio, de ta façon de travailler? Ouais. Et puis, pourquoi s'être arrêté? Est-ce que tu penses revenir à la prod? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, que tu as envie de te remettre? Ouais, moi j'ai commencé à la prod parce que je trouvais ça super de pouvoir façonner ses propres sons. Et en fait, il y a deux périodes de ma vie qui en fait correspondent à quand j'étais étudiant et ensuite quand je suis devenu grand. Ouais. Et forcément, j'ai aussi subi quelques déménagements qui fait que j'avais pas forcément ni le temps ou alors l'espace. Et puis la place, c'est ça. La place, parce que j'ai habité à Paris, dans une cage à lapins. Donc forcément, là, pour avoir même un home studio, c'est déjà compliqué. Ouais. Donc j'ai commencé avec un logiciel qui s'appelle Reason. Ouais. Reason, un clavier maître, des enceintes Yamaha. J'ai commencé de cette manière-là. Ensuite, quelques temps après, j'ai pu vraiment apprécié de pouvoir faire quelques sons qui sont sortis sur des labels, sur Beatport, mais comme ça, sans aucune prétention. Et puis ensuite, effectivement, les déménagements ont fait que j'avais plus le temps de m'en occuper, plus trop l'espace également, et même en arrivant à Lyon, le fait d'avoir récupéré et d'avoir acheté un appartement qui n'est pas forcément aménagé pour, fait que j'ai préféré tout revendre et repartir de zéro, parce qu'il faut savoir aussi que c'est très chronophage d'être derrière son ordinateur sur des logiciels spécifiques. Donc j'ai tout revendu et j'ai acheté tout récemment une machine faite par Pioneer qui s'appelle la Torres SP16. Qui a été fait par Pioneer en collaboration avec Dave Smith. Dave Smith, qui est un constructeur de logiciels de synthétiseurs. Et donc, grosso modo, la Torres est une groovebox qui, si on lui donne à manger, à savoir des samples, des échantillons, eh bien, permet de recréer un morceau de A à Z. C'est ce que je m'attache à faire, mais bon... J'ai plein de passions à côté, plein d'autres choses aussi à gérer. Si tu as eu cette volonté de racheter du matériel, c'est qu'il y a quand même une... Il y a une volonté derrière effectivement de faire tant... Outre juste le plaisir d'acheter un appareil. C'est ça qui est quand même assez onéreux, il faut le dire. Oui. Donc il faut effectivement s'en servir et trouver le temps d'une part de s'y attacher. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est avec les amis de pouvoir faire quelques sessions. Intéressant. L'invitation est lancée. C'est quand même... un des objectifs de faire de la musique en groupe, hein. C'est comme l'amour, je pense, c'est encore plus marrant. On coupera. Ah merde, on est en direct. c'est avec la production, c'est que du plus. Il faut savoir que j'attache aussi une grande importance à la qualité sonore. Donc, on l'a dit. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sortent des titres des productions. Je sais le temps qu'on peut passer derrière. Donc pour l'instant, j'ai uniquement une machine, la Torres. J'ai même revendu mes enceintes. Et bon, la prochaine étape, des enceintes de monitoring et pourquoi pas un synthétiseur. Impeccable. Affaire à suivre. Parfait. Donc là, on va terminer avec cette interview. Donc pour l'avenir, on te souhaite de pouvoir mettre en chantier des productions, pourquoi pas des remixes avec toute l'équipe. Voilà. Et puis on te retrouve sur les projets WePlay Vinyl, plus les projets Convergence. Ça fait des beaux projets. Ouais, exactement. Voilà, donc on va te laisser t'installer tranquillement derrière les platines. C'est parti pour un set. Et puis on vous dit à tout de suite. Un petit set de 40 minutes. 40 minutes. Merci Dave. Salut. À plus tard. Merci Arnaud pour ce set. Super groovy. C'était bien cool. Maintenant, on va passer à l'agenda. Alors, ce soir, vous pouvez aller voir Cosmic Wave Records et Friends au Paradoxe Lyon 1er. Aujourd'hui, jusqu'à 1h du matin. Vous avez aussi Children of the Drum au Sucre Lyon 2 de 23h à 5h du matin. Et vous avez Les Fruits du Cosmos au Discrète Lyon 3 de minuit à 6h du matin. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour jeudi prochain, Bloomy présente Hiberning au Terminal Lyon 1er de minuit à 6h. Et vendredi prochain, vous avez les Nuits Zébrées au Transborder à Villeurbanne de 19h à 4h du matin. Et vous avez le label Mojuba au Sucre Lyon 2 de minuit à 5h du matin. Et Love Reaction à l'Empérage sur Grenoble de minuit à 6h. Voilà, c'était tout pour l'agenda. On va finir avec quelques morceaux pour finir cette session et bonne soirée à vous tous. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.